Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est une bien curieuse affaire de vengeance collective que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons effectivement revenir au cœur de la guerre de 7 ans dans cette affaire de l'amiral Byng. Je vais vous raconter cette histoire dans un instant. Et votre invité est un spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France et de l'Angleterre au XVIIIe siècle. Et oui, mon invité c'est Edmond Dziebowski qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté. Nous allons avec lui revenir sur ce conflit que Churchill considéré comme la première guerre mondiale, et c'est un peu ce qu'a été effectivement cette guerre de 100 ans. Et puis à la fin de l'émission, je reviendrai sur une citation historique, nous sommes mercredi aujourd'hui, Et je vous parlerai de Madame de Maintenon. Nous reviendrons sur sa jolie phrase « Trop d'esprit humilie ceux qui en ont peu ». À méditer. Au début de l'an 1756, la tension est extrême entre les royaumes de France et de Grande-Bretagne. Les raisons de vouloir en découdre se multiplient entre les deux puissances, leur rivalité en Amérique notamment. Et puis, vous savez que c'est le moment où l'Angleterre est en train de prendre à l'échelle planétaire le contrôle des mers. Certes, la guerre n'est pas officiellement déclarée, mais il ne faut pas être grand clair pour se douter qu'elle est maintenant imminente, et d'ailleurs le conflit a déjà commencé. Dans les mois précédents, les heurts se sont multipliés, tout comme les prises de bateaux français dans l'Atlantique et sur les côtes américaines par les Anglais. Et l'expérimenté duc de Newcastle, qui est le premier ministre britannique, le sait, le roi Louis XV n'a pas l'intention d'en rester là. On scrute donc les rapports en Angleterre, à Londres, les rapports des informateurs sur le continent, bien entendu. Or, un certain nombre d'indices laissent entrevoir une menace redoutable. La France, j'allais dire une fois de plus, car on pourrait faire une longue émission sur toutes les tentatives d'invasion de l'Angleterre, une fois de plus, la France serait en train de préparer une invasion de la Grande-Bretagne. Des préparatifs semblent avoir lieu en Bretagne, en Normandie, dans les Flandres. Et puis, le maréchal de Belle-Île, qui en principe est à la manœuvre, a, il faut bien le dire, manqué de discrétion. Il évoque ce projet de façon tout à fait ouverte autour de lui. Et Newcastle se réjouit d'une telle légèreté. Le moment venu, se dit-il, on accueillera les ennemis comme il se doit. Seulement en parallèle, le premier britannique semble négliger d'autres informations tout aussi préoccupantes en provenance, elles, de Provence. Et c'est pourtant celle-ci qu'on aurait dû prendre en compte à Londres. En mars 1756, une réalité rattrape les Anglais. Le roi Louis XV n'est pas en train de prévoir une invasion de l'Angleterre. En vérité, il prévoit une attaque spectaculaire en Méditerranée. Newcastle et ses auxiliaires sont pris au dépourvu. Ils ont mordu à l'hameçon français et maintenant ils ont un temps de retard. Alors pour partir vers la Méditerranée, Newcastle nomme un amiral de 51 ans, au visage rond, au regard fier, John Byng. Son père était un héros des mers, lui-même, sans être sans doute un amiral d'une envergure exceptionnelle, a une notable expérience derrière lui, seulement il faut le dire, il se voit confier une affaire qui d'entrée de jeu est mal engagée. Je cite Edmond Dziebowski. Il nous raconte cela. Arrivé à Portsmouth, il s'aperçoit que rien n'est prêt et que sa mission manifestement est loin d'être prioritaire. Ce n'est que le 6 avril que l'escadre de Byng quitte Portsmouth. La chance n'est pas de son côté. Les conditions météorologiques exécrables sur l'océan retardent la marche de Byng qui met près d'un mois à arriver à Gibraltar. Et entre-temps, le 10 avril, de Provence, une escadre de 12 navires de guerre menée par le marquis de la Galissonnière avec 173 bateaux qui transportent 14 000 hommes, cette escadre est partie, commandée par le maréchal de Richelieu, les 14 000 hommes en question. Ils ont laissé derrière eux la rade de Toulon et leur destination, c'est l'est des Baléares, c'est Minorque, cette île extrêmement bien située, qui appartient aux Britanniques depuis la guerre de succession d'Espagne, un demi-siècle plus tôt, et qui est, disons-le, un des maillons essentiels de leur puissance en Méditerranée. Quand vous contrôlez Minorque et Gibraltar, vous avez toute la Méditerranée occidentale, tout simplement. Donc, il ne faut que quelques jours aux Français pour atteindre Minorque depuis Toulon. Les troupes débarquent sur la côte orientale de l'île. L'offensive est rondement menée par le maréchal de Richelieu. Le maréchal de Richelieu, dont on a souvent eu l'occasion de parler ici, hein, figure très haute en couleur, premier gentilhomme de la chambre du roi, qui ne tarde pas à assiéger le fort Saint-Philippe, la citadelle de la capitale de l'île, hein, qui est Port-Mahon. Cette place anglaise est solide, elle est bien défendue et peut-être surtout, elle est bien commandée par un vieil officier, un Anglais très expérimenté, de quoi peut-être laisser quand même aux troupes qui, elles, arrivent d'Angleterre le temps d'intervenir. Il est vrai que l'attaque française est osée. Si la dizaine de vaisseaux de Byng arrive à Minorque avant que le fort Saint-Philippe ne soit tombé, elle pourrait couler les bateaux de la Galissonnière et bloquer les 14 000 hommes de Richelieu sur l'île. Vous voyez quand même qu'il y a un énorme coup à jouer pour les Anglais. Hein. C'est la course contre la montre qui est lancée, tout simplement. Alors, Byng arrive à Gibraltar en mai. Il est censé y récupérer des troupes à son tour. Seulement, le gouverneur local persuade l'amiral que ses hommes lui sont plus nécessaires qu'à lui. Et malgré les ordres qu'il a reçus, il faut bien insister là-dessus parce que c'est la clé de notre affaire, John va donner raison à ce gouverneur. Il poursuit sa route et les 19 et 20 mai, il voit enfin se dessiner à l'horizon les côtes de Minorque. L'escadre s'approche de la rade de Port-Mahon. Il faut imaginer cette rade très étirée, hein, très effilée, en forme d'un long goulet, si vous voulez. À ce moment-là, le fort Saint-Philippe est assiégé depuis plusieurs semaines, seulement il tient bon. En intervenant maintenant, Byng peut reprendre totalement le contrôle de la situation. Il met donc son escadre en position face aux bateaux de guerre de la Galissonnière, qui défendent le passage vers le port de la capitale minorquine. Et bien sûr, les Français ne vont pas se laisser faire. Le combat commence. Les marins s'activent sur les beaux navires de guerre. Les canons tonnent. Le bruit des déflagrations est absolument impressionnant. C'était très beau, si je puis dire, vu de loin en tout cas, la guerre à l'époque, vu de loin. La bataille est marquée par un certain faux rythme, il faut bien le dire. Byng manque sans doute un peu d'allant, de morgue, disons-le. En tout cas, il manque de bateaux, ça c'est certain. Les deux escadres qui s'affrontent sont comparables, seulement les Français bénéficient de la position dans laquelle ils ont eu tout le temps de s'installer. Ils sont en position défensive. Byng ne peut que constater les dégâts qui s'accumulent sur ses propres vaisseaux et l'amiral anglais ne va, quoi qu'il fasse, pas pouvoir reprendre le dessus. Et dans des circonstances qui seront très discutées, l'escadre de Byng finit par battre en retraite. Ses bateaux partent pour être réparés à Gibraltar, sans doute dans l'espoir de revenir à Minorque plus tard. Mais Richelieu a gagné, incontestablement. Alors, il ne doit quand même pas trop se rassurer, il va devoir presser la chute de la citadelle. Finalement, le 27 juin, alors que la nuit tombe, le maréchal de Richelieu ordonne l'assaut. Ses hommes se jettent littéralement vers les murs épais du fort. 200 morts et quelques centaines de blessés plus tard, c'est un succès. La place est tombée et Minorque, maintenant, n'est plus tenue par le roi George II, mais bien par le roi Louis XV. L'Europe est épatée par la furia francese, par l'audace du maréchal. En Angleterre, c'est la consternation. On pourrait même parler d'une sorte d'humiliation nationale. Et disons-le, John Byng, l'homme qui n'a pas eu l'audace de sauver Minorque, cet homme-là est en danger. Allez, disons-le, il est même en grand danger. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes en 1756, au début de la guerre de 7 ans. La France vient de s'emparer de l'île anglaise de Minorque que l'amiral John Byng n'a pas pu secourir. Alors Franck, avant que vous évoquiez les conséquences de ce revers du côté de la Grande-Bretagne, j'imagine qu'à Paris, là, c'est la fête. Ah ben vous imaginez, à Paris, partout en France hein, d'ailleurs, célébrations, tédéum, feux d'artifice, fontaines de vin. À Toulon, on a même fait une sorte de grand arc de triomphe à Richelieu et à ses troupes. On parle de Mahomanie pour désigner cette espèce de fête générale autour de l'idée de Port-Mahon et de la victoire de Minorque. On fait des poèmes, des chansons, c'est qu'en France tout finit toujours par des chansons, disait Beaumarchais. Il y a notamment la fameuse chanson de Piron, « Bon voyage, amis d'Angleterre, au revoir, belle garnison, apprenez à faire la guerre sans bravade et sans trahison, sur vos vaisseaux de transport, faites vos adieux au Port-Mahon, hein, on triomphe hein. ». Est-il de vous dire que de l'autre côté de la Manche, ça n'est pas du tout la même ambiance, d'autant plus que cet échec terrible de Minorque s'ajoute à des difficultés en Amérique. Cette guerre qui, depuis le printemps, a été déclarée, maintenant c'est officiellement la guerre, cette guerre commence mal pour les Anglais. Edmond Jabowski nous raconte « Le tollé a été immédiat. L'indignation du public, dans un premier temps, s'est dirigée contre l'amiral Byng. » Comparé à la conduite héroïque de la garnison du fort qui a résisté 70 jours aux Français, l'attitude de Byng ne peut que susciter critiques et sarcasmes. Ce n'est pas tant son échec devant la galissonnière qui est reproché que son repli sur Gibraltar interprété comme un acte de lâcheté impardonnable. Le 24 juillet, la Gazette de France fait état de démonstrations hostiles dans quelques bourgs où cet amiral a été brûlé en effigie. Ça commence donc à sentir le roussi. Le duc de Newcastle est bien trop heureux d'avoir quelqu'un sur qui détourner l'attention, inutile de vous dire, que lui aussi s'en prend à l'amiral. Lui et ses alliés font en sorte que Byng soit dépeint en couard, un couard qui serait pleinement responsable de cette catastrophe de Minorque. Le désaveu de l'amiral se traduit d'ailleurs très concrètement, puisque le 26 juillet, il est reconduit à Portsmouth et mis en état d'arrestation. C'est carrément la chute. Mais Newcastle ne va pas s'en tirer si facilement. Le Premier ministre fait face à des opposants très acharnés. On est en Angleterre, hein, ça compte les opposants là-bas à l'époque. Ces opposants qui vont mettre en avant un certain nombre d'erreurs, le retard de sa réaction à secourir Minorque, ses mauvaises décisions accumulées, les moyens insuffisants qu'il a affectés à la mission, etc. L'écrivain Samuel Johnson, qui est très influent au sein des élites anglaises de l'époque, insiste « S'en prendre à l'amiral Byng est injuste, dit-il. Dans cette affaire, l'amiral n'a fait que son devoir. » Bien sûr, face à tout cela, le représentant de la dynastie Hanovre, qui à l'époque a encore un peu de mal à s'imposer pleinement au Royaume-Uni, le roi George II, a de quoi se montrer embarrassé. Lui-même est pris pour cible dans ce qui devient une crise politique grave, une crise menaçante pour le pouvoir mais aussi pour la dynastie, et une crise qui ne donne aucun signe de vouloir s'apaiser. Les têtes commencent à tomber de façon figurée pour l'instant. En octobre, le duc de Newcastle lui-même doit démissionner et le cabinet qui succède au sien est confié à un autre Whig. Les Whigs, ce sont les pro-parlementaires libéraux de l'époque. C'est le duc de Devonshire, en l'occurrence, qui va prendre la suite et qui doit faire entrer dans son gouvernement de grands opposants à Newcastle, notamment William Pitt. Ah, voilà le nom prononcé. Alors ça fait pas mal de turbulences politiques à Londres, bien entendu, qui n'arrêtent pas pour autant la machine judiciaire contre Byng. Le procès de l'amiral va s'ouvrir 3 jours après Noël 1756, une affaire extrêmement suivie et qui, partout, suscite des débats passionnés. Je cite de nouveau Edmond Jabowski. « Le pays connaît un nouvel accès de fièvre. Craignant que le procès débouche sur leur mise en cause, Newcastle et ses amis ont lancé une nouvelle campagne contre Byng. S'inspirant des méthodes que la presse d'opposition a déployées pendant l'été, Henry Fox, qui est l'ancien secrétaire d'État de Newcastle, lance un nouveau périodique, le Test. Outre Byng, ses flèches empoisonnées sont aussi décochées à l'encontre de la nouvelle équipe ministérielle. » Le procès de l'amiral va durer des semaines. C'est un procès devant une cour martiale, bien sûr. Les accusations auxquelles il doit répondre sont simples. Il n'aurait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher la chute de Minorque. Au mieux, il aurait été négligent. Au pire, lui, l'amiral à la longue carrière, aurait fait preuve de lâcheté face au coup de canon de la galissonnière. Alors, inutile de vous dire que Byng ne va pas se laisser attaquer comme ça. Il a des arguments, il récuse l'idée de fuite. Les conditions de sa retraite sont loin d'être aussi claires que veulent le faire croire ses ennemis, dit-il. Et le procès va prendre un tour un peu étonnant, il faut bien le dire, puisque le portrait qui en ressort de Byng n'est pas un portrait négatif du tout. Ça se retrouve dans un jugement qui est à la fois très dur, mais qui en même temps est en demi-teinte. Je cite à ce propos Sabine Melchior-Bonnet et Catherine Salle qui l'expliquent. Le 27 janvier 1756, Byng s'est acquitté en ce qui concerne les accusations de lâcheté et d'abandon. Mais la cour martiale, unanime, juge qu'il n'a pas fait tout son possible pour reprendre le fort de Saint-Philippe, pour s'emparer de la flotte française, pour la détruire. Donc d'un côté, vous voyez qu'il est acquitté des accusations d'abandon, mais d'un autre, il n'en a pas fini de l'accusation de négligence, d'une certaine manière. Ce qui signifie, nous dit Catherine Salle, ce qui signifie pour Byng une condamnation à mort. Tout en le condamnant, la cour martiale, selon l'usage, demande à l'unanimité que la grâce lui soit accordée. Donc on veut faire un exemple, mais on ne veut pas aller jusqu'à tuer l'amiral, auquel on reconnaît d'autres mérites. Voyez que son sort maintenant est littéralement entre les mains du roi George II qui va devoir prendre ses responsabilités. Je pense que la dynastie des Hanovre s'en serait bien passée de ce petit cadeau empoisonné. Il y a encore une manche à jouer, manche dans laquelle vont se jeter, j'allais dire, un certain nombre de personnalités, dont notre Voltaire. Peut-être de quoi sauver la tête du malheureux perdant de Minorque. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au XVIIIe siècle, l'Angleterre a perdu Minorque, gagné par la France, et l'amiral Byng vient d'être condamné à mort et attend sa grâce. Et oui, et la question est de savoir si George II, le roi d'Angleterre, va ou non lui accorder cette grâce. C'est inutile de vous dire que toute une partie de l'Europe, toutes les élites de l'Europe, ont les yeux rivés sur Londres. Évidemment, c'est une question sensible parce que pendant ce temps-là, la guerre se poursuit, elle. Et l'affaire a déjà fortement ébranlé la vie politique britannique, nous l'avons vu. Donc, c'est tout à fait le genre d'affaire qui intéresse Voltaire, ça. Vous imaginez bien, il s'en est ému très tôt, avant même l'ouverture du procès contre Byng, d'ailleurs. Voilà ce que nous disent Sabine Melchior et Catherine Salles. Voltaire prend fait et cause pour l'amiral anglais et sa correspondance témoigne des efforts accomplis pour alerter les plus hautes personnalités de l'époque. Rois, ministres, responsables de toutes sortes sont sollicités par lui. Il met ses espoirs dans le duc de Richelieu qui lui écrit qu'il ne peut y avoir d'acte de plus insigne injustice, que ce que l'on entreprend contre l'amiral Byng. C'est-à-dire que c'est assez terrible ça. C'est le général français qui prend fait et cause pour l'amiral anglais qu'il a vaincu. C'est assez humiliant, cette affaire pour les Anglais. Le vainqueur de Minorque est en train de plaider la cause de son adversaire. Démarche qui est très mal accueillie à Londres, ai-je besoin de vous le dire. Le roi George II en a un peu assez que ces satanés français viennent se mêler de ses affaires. De même, le ministre anglais William Pitt, que George II n'apprécie que très modérément du reste. Pitt tente des démarches pour sauver Byng, mais là aussi, ça agace le monarque. On a l'impression que tout ce qui se fait en faveur de Byng va avoir plutôt tendance à le desservir auprès du roi George II. C'est quand même assez terrible. George II ne donnera pas suite d'ailleurs à tout ça, pas plus qu'à l'appel à l'indulgence que la cour avait pris soin de formuler elle-même. Il n'y aura pas de miracle. Le 14 mai 1757, John Byng est mené sur le pont du Monarque, qui mouille à proximité de Portsmouth. Ironie du sort, c'est un beau vaisseau qui a été pris aux Français, hein, qui autrefois faisait partie de la Royale française. De nombreux officiers sont là, évidemment, pour assister à ce qui est une exécution. Ils vont observer le désormais célèbre visage rond de l'amiral, qui a 52 ans maintenant. Il est prêt, il est résolu à affronter son sort. On le met à genoux, les fusils le mettent en joue, on tire. Et le corps de l'amiral s'effondre sur le pont. La justice du roi George II a été rendue. D'autres protagonistes de l'affaire de Minorque vont s'en sortir nettement mieux. Seulement quelques mois plus tard, Newcastle va recouvrer son poste. Il redevient premier britannique. La polémique n'est pas close, elle va même marquer l'histoire littéraire, puisque en 1759, Voltaire va faire paraître Candide, vous savez, le conte philosophique que nous avons tous étudié à l'école, et n'oublie pas de faire référence à cette tragédie, puisque son héros à un moment se trouve au sud de l'Angleterre et il assiste à l'exécution d'un homme qui va vous rappeler quelqu'un. Je cite Voltaire. « Qu'est-ce donc que tout ceci ?» dit Candide, « et quel démon exerce partout son empire ?» Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral, lui répond-on. Et pourquoi tuer cet amiral ? C'est, lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. » Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. « Ah, cela est incontestable, lui répliqua-t-on, mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. » Bonjour Edmond Dziebowski. Bonjour. Alors, nous moquons là des Anglais à travers la plume de Voltaire qui n'est jamais à une moquerie près, n'est-ce pas ? Mais bientôt, Voltaire va prendre lui-même fait et cause cette fois pour un général français qui va être accusé à peu près de la même chose dans les Indes. C'est Lalith Hollandal. On connaîtra la même histoire en France, hein, quasiment. Tout à fait. Et Lalith Hollandal sera exécuté. Tout à fait. Alors cette affaire de l'amiral Byng est d'abord, je crois qu'on l'a compris, une affaire politique à une époque où la politique en Angleterre est beaucoup plus, le jeu politique si je puis dire, est beaucoup plus délié qu'en France, puisqu'il y a une véritable opposition, il y a une véritable vie politique en Angleterre. Il y a une véritable vie politique depuis depuis un siècle. Presque un siècle, oui, voilà. Oui. Voilà, depuis et surtout depuis la révolution de 1688-89, qui a vu se pérenniser véritablement le Parlement, qui a vu se pérenniser les forces politiques, les deux partis, les Whigs et les Tories. En 1756, la situation est un peu plus complexe, puisque est apparue une troisième force, on pourrait dire une troisième force, qui est celle des patriotes, qui unissent certains Tories et certains Whigs mécontents. Et c'est au sein de ces patriotes que l'on trouve l'opposition la plus virulente à la politique du duc de Newcastle. Alors pourquoi cette opposition? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que ces patriotes souhaitent remettre à plat le système politique, notamment qu'ils considèrent comme étant corrompu, ce qui d'ailleurs est tout à fait juste. La deuxième raison, c'est une raison, on pourrait dire, de politique étrangère. Les patriotes estiment que la politique menée par le gouvernement, notamment celui du duc de Newcastle, est une politique étrangère qui est trop favorable aux intérêts allemands. Il ne faut jamais oublier que le roi d'Angleterre est électeur de Hanovre. Eh oui. Et donc, de ce fait, l'Angleterre continentale est obligée, voilà, le ministère est obligé, d'ailleurs, d'obéir à ce roi qui, contrairement à la légende, n'est sûrement pas un souverain mérovingien. C'est quelqu'un qui a gardé vraiment toute sa prérogative en matière de politique étrangère, en matière de. Et il va le montrer, en l'occurrence, puisque la tête de l'amiral Byng, et il ne la sauve pas, George II. Exactement. Alors que tout le monde le lui demande. Oui. Au sein de sa cour, au sein de son parlement, dans son armée, oui. Et puis même parmi les princes de l'esprit de l'Europe, puisque le grand Voltaire en personne se mêle de l'affaire. Je pense que justement, si George II a refusé la grâce, c'était pour bien montrer à la classe politique britannique qui souvent contestait cette prérogative, de bien montrer que cette prérogative royale, eh bien, il l'exerçait pleinement. Et donc là, ces patriotes qui sont aux portes du pouvoir en 1756 exploitent le mécontentement qui est vraiment considérable dans cette Angleterre du début de la guerre de Sept Ans. Comme vous l'avez d'ailleurs dit, il y a toute une suite de défaites déjà qui ont marqué l'opinion, notamment en Amérique du Nord, où cette guerre, on l'oublie très souvent, nous, Français, parce que on voit le résultat de 1763. Oui, qui est désastreux pour nous. Qui est désastreux, mais cette guerre a commencé sous de bons auspices pour la France. Pour les Anglais, ça a été une catastrophe, jusqu'en 1758. Et de ce fait, les patriotes, et notamment celui qui est le chef de file de ce groupe, qui est William Pitt, qui est un Whig, mais qui fait partie de ce groupe des patriotes, William Pitt, eh bien, se retrouve propulsé littéralement au pouvoir à l'automne 1756, et les conditions de son arrivée au pouvoir sont absolument extraordinaires, parce que Newcastle démissionne alors qu'il garde en main, je dirais, les deux paramètres qui lui permettent d'exercer ce pouvoir. Il a la confiance totale du roi, et il a une majorité au Parlement. Or, Newcastle est pris de panique, littéralement. Il a peur pour sa tête. Et c'est la raison pour laquelle il démissionne. Et c'est la raison pour laquelle George II, qui déteste William Pitt, qui avait quelques années plus tôt, qu'il avait presque insulté à la Chambre des communes, George II est obligé de prendre Pitt. De prendre Pitt. Et il le prend à regret. Et ce Pitt va marquer l'histoire politique britannique. Mais enfin, ça nous entraînerait un peu ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que ce pauvre amiral Byng a été un peu le fusible dans cette affaire, ou le paratonnerre, ou le bouc émissaire, plus justement encore? On avait besoin d'une... Il fallait donner une victime à l'opinion publique, si je puis dire. Tout à fait. Il fallait donner une victime à l'opinion publique. Dès que la nouvelle de la chute de Minorque parvient en Angleterre, immédiatement, c'est le scandale immédiat. Et la première réaction du public, c'est bien entendu d'accuser Byng. Et immédiatement, Newcastle, qui sait qu'il a quand même commis, on pourrait dire, une bévue, c'est quand même très très net. Il a mal jaugé la menace. Il s'attendait à une invasion de l'Angleterre, et en fait, c'est une offensive en Méditerranée. C'est pas la même histoire. Les Français ont bien joué, d'ailleurs, pour le coup. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui des fake news, on peut dire que eh bien, on a déjà cela. On peut dire que ça, c'était la spécialité de Louis XV, qui adorait ça. Tout à fait. Et il tenait peut-être ça de son prédécesseur, Louis XIV, qui lui aussi aimait beaucoup jouer comme ça sur la surprise. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre de 7 ans cet après-midi. Nous nous intéressons au parcours de l'amiral Byng. Et pour en parler, nous sommes en compagnie du professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté, Edmond Diambowski, auteur notamment de La guerre de 7 ans, paru chez Perrin. Vous ne l'attendiez pas, ce petit trio opus 100 de Schubert. Exactement. Qui nous met dans l'ambiance du film Barry Lyndon. Eh oui, ça fait partie des petites subtilités de Jean-François Bussière, notre réalisateur que nous ne saluons pas suffisamment d'ailleurs. Bravo Jean-François. Alors, cette guerre de 7 ans, elle a commencé par une série d'échauffourées, si je puis dire, sur différents endroits du globe, à commencer par l'Amérique. C'est là-bas que ça naît, cette affaire. Mais avant, il y a un contexte diplomatique. Il faut peut-être que nous expliquions ça, Edmond Diambowski. Il faut que vous nous expliquiez quel a été le grand événement, cette espèce de retournement des alliances en Europe. Oui, grand événement qui, d'ailleurs, est presque contemporain à quelques semaines près de la prise de Minorque. Bon, ce renversement des alliances qui a constitué véritablement, sans doute c'est sans doute le moment clé de cette diplomatie européenne du milieu du XVIIIe siècle. Alors, pour comprendre ce qui s'est produit très très rapidement, parce que c'est une histoire très complexe, au début donc de ces échauffourées franco-britanniques en Amérique, c'est-à-dire on est en 1755, le système diplomatique en France se présente de la manière suivante. La France est toujours ennemie de sa vieille ennemie, la Maison d'Autriche. La Maison d'Autriche est alliée à l'Angleterre et l'allié de la France à l'époque est le roi de Prusse Frédéric II. Roi de Prusse Frédéric II d'ailleurs qui a un allié à géométrie variable. On l'a vu pendant la guerre précédente. En 1755, le roi d'Angleterre, qui s'attend à une guerre désormais européenne, parce que les échauffourées en Amérique ont pris une dimension vraiment très très considérable, le roi d'Angleterre a peur pour son électorat, parce qu'il sait très bien que Frédéric II, qui est l'allié de la France, ne fera qu'une bouchée de son électorat. Mmh. Si bien qu'à l'automne 1755, George II et le duc de Newcastle s'efforcent par tous les moyens d'obtenir la neutralité de la Prusse dans le conflit qui risque d'éclater en Europe. La Prusse qui était l'allié historique de la France. Voilà. Donc cette Prusse, en effet, le Frédéric II de Prusse, au terme des négociations de l'hiver 55 et du début de l'année 56, décide en effet de conclure ce qu'on appelait la Convention de Westminster, par laquelle désormais la Prusse d'être neutre dans le conflit qui pourrait éclater. Donc l'électorat de Hanovre est préservé. Cette nouvelle, lorsqu'elle est connue en France, accélère des négociations qui ont commencé quelques mois plus tôt. C'est des négociations qui touchent... Négociations plus ou moins secrètes, en tout cas discrètes, qui sont menées sous l'égide de Madame de Pompadour. Tout à fait. Madame de Pompadour, qui a été contactée par Marie-Thérèse d'Autriche et par Kaunitz, le ministre de Marie-Thérèse d'Autriche. La Maison d'Autriche, son objectif, c'est purement et simplement de récupérer la Silésie qui a été prise par Frédéric II au cours de la guerre de succession d'Autriche. Pour y parvenir, la Maison d'Autriche estime qu'il faut tirer un trait sur toute la tradition diplomatique qui remonte, en gros, au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il faut désormais conclure une alliance avec la France. C'est uniquement par l'appui... Et là, pour le coup, les Habsbourg sont les ennemis héréditaires, si on peut dire, des rois de France. Hein, ce sont les ennemis héréditaires qui désormais offrent leur bon service, on pourrait dire, au roi de France. Donc, et basculement Louis XV... complet en Europe. Tout à fait. Louis XV, on n'a jamais trop su exactement quelle était la raison essentielle, mais en tout cas, Louis XV est immédiatement séduit. Les négociations commencent, mais elles chope pendant très longtemps parce qu'il y a beaucoup de points à régler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois que l'on connaît que la nouvelle de la Convention de Westminster, du rapprochement, on pourrait dire, anglo-prussien, les négociations entre la France et la Maison d'Autriche s'accélèrent et elles aboutissent le 1er mai 1756 par ce premier traité de Versailles qui est un traité d'alliance défensive, mais il n'empêche que déjà Louis XV s'engage sur la voie d'un soutien à Marie-Thérèse d'Autriche. Et l'année suivante, le 1er mai exactement d'ailleurs 1757, un deuxième traité de Versailles est signé, celui-ci un traité offensif, c'est-à-dire que là, à partir de 1757, du 1er mai 1757, Louis XV s'engage à intervenir en Allemagne pour prêter main forte à Marie-Thérèse et là, d'Autriche. À partir de là, il n'était même pas envisageable que la guerre, que l'affrontement ne puisse éclater entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus le choix. On était déjà depuis très longtemps sur la frange, mais là, c'est la guerre, forcément. Et c'est une guerre pour le contrôle du monde, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas une petite guerre européenne comme il y en a eu tant d'autres avant. Exactement. Là, c'est une guerre aux enjeux colossaux. Est-ce que l'Angleterre est déjà maîtresse des mers à cette époque, au moment où commence cette guerre de 7 ans? Oui et non. Elle est sortie maîtresse des mers de la guerre de succession d'Espagne. Sa puissance navale s'est Donc renforcée. À la toute fin du règne de Louis XIV. Voilà. Sa puissance navale s'est renforcée pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Alors que la nôtre a eu tendance à diminuer plutôt. A diminué. Mais dans les années qui précèdent la guerre de 7 ans, notamment sous l'égide de Rouillet, notamment comme secrétaire d'État de la Marine, et ensuite de Machaut d'Arnouville, qui a pris sa succession, des efforts encore des protégés de Madame de Pompadour. C'est encore des protégés de Madame de Pompadour, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu quand même la France est en train de rattraper une partie de son retard. Rien n'est encore fait, je dirais, mais Si l'on se situe maintenant en 1763, là, c'est certain que désormais, l'Angleterre est devenue, au terme de la guerre de 7 ans, la première puissance navale de manière incontestable. Alors, tout commence, disais-je, en Amérique. Là, il y a ce que Voltaire appelait quelques arpents de neige, mais c'était bien plus que ça, qu'il aurait fallu pouvoir protéger, ce qu'on n'a pas été capable de défendre, en fait. Oui. Il y avait un grand déséquilibre aussi démographique, il faut bien le dire. C'est-à-dire que la Nouvelle-France, en gros, si on fait le total de la population du Canada et de la Louisiane, cela compte environ 90 000 habitants pour près de 1 500 000 habitants dans les 13 colonies d'Amérique. Donc il y a déjà un déséquilibre démographique, mais qui était en partie compensé chez les Français par les alliances avec les différentes tribus indiennes qui d'ailleurs ont été extrêmement utile. Et cette guerre, bon, que Winston Churchill a présentée comme la première guerre mondiale, et d'ailleurs, je pense à juste titre, oui, c'est vraiment cette première. On peut la présenter comme la première guerre mondiale. C'est la guerre mondiale zéro, si on peut dire. Oui, en quelque sorte, c'est la guerre mondiale zéro. C'est quand même. Si on examine les conflits qui ont précédé, il y a d'abord quelque chose qui nous frappe, c'est que tous les conflits qui ont précédé sont des conflits qui ont commencé en Europe. Des conflits d'ailleurs qui sont souvent des conflits liés aux successions au trône. Là, on a un conflit dont l'origine est le choc économique colonial. Ce sont le choc de deux ambitions coloniales, d'abord en Amérique, mais au même moment d'ailleurs aussi en Inde. Il ne faut pas oublier que les troupes des deux compagnies des Indes orientales, françaises et anglaises, sont entrées également en conflit. Donc il y a une dimension d'abord qui est planétaire et qui ne devient européenne que en second lieu. C'est-à-dire que la guerre européenne, quand commence-t-elle? Elle éclate au mois d'août 1756 lorsque Frédéric II tire les leçons du renversement des alliances. Il se dit, oulala, je vais être vraiment pris en tenaille par une coalition qui ne va faire qu'une bruche. Le roi de Prusse est en tenaille entre la France et l'Autriche. Et d'ailleurs, la Russie est en train également d'entrer dans cette coalition anti-prussienne. Donc Frédéric II préfère prendre l'initiative. Il lance une attaque très, très violente contre la Saxe et contre la Bohême. Et on peut dire que là, c'est le tournant de la guerre de 7 ans. Parce que l'année suivante, en vertu du traité de Versailles, du deuxième traité, Louis XV est obligé de prêter main forte à Marie-Thérèse. Et il envoie une armée de plus de 100 000 hommes combattre en Allemagne. Ce qui a pour résultat de créer un second front et d'affaiblir, bien entendu, le front américain. Et c'est là que les difficultés vont commencer pour la France. Nous avons vu le maréchal de Richelieu, grand vainqueur à Minorque. Nous allons voir qu'il a eu beaucoup, beaucoup plus de mal dans les régions alémaniques. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous évoquez l'affaire de l'amiral Byng liée à la guerre de 7 ans en compagnie du spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France et de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, Edmond Dembowski, et auteur également de l'ouvrage « Les Pites, l'Angleterre face à la France » paru chez Perrin. Et sa guerre de 7 ans est parue dans la collection Pour l'Histoire en coédition avec le ministère de la Défense, Edmond Dembowski. C'est une affaire hautement stratégique après tout, c'est logique. Et vous travaillez sur des archives qui sont à Vincennes en partie ? Les archives de Vincennes, surtout, j'ai travaillé surtout sur les archives diplomatiques. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Il faut dire que c'est donc maintenant à la Courneuve hein, que se trouvent trouvent ces archives très très utiles et un peu sous-exploitées pour l'histoire du XVIIIe siècle. Et Dieu sait qu'on en a des archives. Et Dieu sait qu'on y trouve énormément de choses. Énormément de choses. Alors, je parlais du maréchal de Richelieu, qui a été assez brillant, très audacieux, il faut bien le dire, à Minorque, même s'il a été servi par les circonstances. Il va l'être un peu moins, on le voit mener sur le Rhin et en Allemagne, une campagne beaucoup plus difficile. Oui, les choses commencent relativement bien pour les Français au début de l'année 1757 avec l'armée du maréchal d'Estrées qui remporte une première victoire. Mais pour des raisons alors là qui sont liées, je dirais, aux luttes de factions à la cour, le maréchal est démis de ses fonctions et est remplacé par le maréchal de Richelieu. Et là, les choses commencent à tourner immédiatement d'une manière assez inquiétante, notamment la discipline de cette armée. De cette armée d'Allemagne laisse à désirer. Très vite, eh bien, on va commencer à parler des fourgons du maréchal de Richelieu. Bon, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'en fait, disons les choses, il est accusé de prévarication et de détournement de fonds. Détournement de fonds, oui, tout à fait. Colossal, on ne parle pas de petites sommes. Ah oui, oui. Oui, oui. Et donc dès le deuxième semestre de l'année 1757, eh bien les choses commencent à tourner relativement mal. Et surtout, eh bien a lieu ce tournant de la guerre d'Allemagne qui survient le 5 novembre 1757. C'est cette bataille de Rosbach. Alors nous en avons parlé il y a quelques mois. Nous avons fait une émission sur le maréchal prince de Soubise, qui est donc le héros malheureux de Rosbach. Quelle histoire, le général qui perd son armée. Le général qui perd son armée, qui ne retrouve plus dans la brume. Ce qu'il faut quand même bien souligner, c'est que c'est la première défaite française face à la Prusse. On l'oublie très souvent, c'est la première mais pas la dernière. Et cette défaite a été reçue en France comme une véritable gifle. Il faut toujours se replacer dans la continuité historique. Jusque la défaite de Rosbach, la France vivait toujours sur l'illusion, je dirais, des grandes victoires de l'époque de Louis XIV et surtout de la guerre de succession d'Autriche, qui a été une suite de victoires éclatantes avec l'armée du maréchal de Saxe. Or là, brutalement, eh bien, c'est ce rêve qui se déchire. On prend conscience et bien qu'une autre époque vient de commencer. Et c'est alors d'ailleurs que là se produit en France un phénomène très curieux, c'est la popularité croissante de l'ennemi, c'est-à-dire du roi de Prusse, Frédéric II, qui devient... Presque un exemple. Contre notre propre roi qui devient très impopulaire, Louis XV. Là, hein. Louis XV devient très impopulaire. Dès les lendemains de la bataille de Rosbach, commencent à se répandre les chansons, les poèmes qui attaquent avec violence, d'une part, Madame de Pompadour, mais aussi déjà Louis XV. Et ces attaques vont aller crescendo dans les mois et dans les années qui vont suivre, à fur et à mesure que s'accumuleront les défaites militaires. Et on a été obligé de faire pour Madame de Pompadour une sorte de route qui contournait Paris, tellement elle était devenue impopulaire, son carrosse ne pouvait plus traverser la capitale. Hein, ça devenait quand même. Elle se montrait vraiment très très inquiète. On le voit très bien dans sa correspondance et également on le voit très bien aussi, c'est dans la correspondance de celui qui à l'époque est encore secrétaire d'État des Affaires étrangères, qui est l'abbé de Bernis. Bernis, devenu cardinal, oui, voilà. Et qui est en pleine dépression au moment même où on aurait besoin de lui. C'est un peu embêtant pour un ministre d'Affaires étrangères. Les nouvelles arrivent à Versailles avec beaucoup de retard. Je pense que c'est un des aspects très intéressants de cette guerre de 7 ans, que comme elle est effectivement une guerre mondiale, on a les nouvelles des victoires et des défaites respectives avec parfois plusieurs semaines de retard. Donc ça crée une gestion de la guerre quasiment impossible. C'est la première fois que ça a lieu dans l'histoire, ça. C'est très intéressant comme phénomène. C'est d'ailleurs l'objet de débats au sein des historiens, notamment les Britanniques, qui se demandent jusqu'à quel point quelqu'un comme William Pitt, qui est présenté traditionnellement comme l'artisan des victoires, jusqu'à quel point, eh bien, Pitt a été vraiment cet artisan, car il est certain que C'est sur place que les choses se passaient. Et les ordres arrivent avec beaucoup de retard, et ensuite les nouvelles avec non moins de retard. Donc tout est décalé. Avons des problèmes. Alors, je parle là du Royaume de France. Problème énorme en Inde face face aux Anglais, mais problème non moins énorme dans les Indes occidentales, c'est-à-dire en Amérique. Ça va être la perte de Québec. Là, ça c'est le grand basculement de l'affaire, hein, 59. Oui, tout à fait. Le basculement commence dès l'année 58, lorsque les Anglais s'emparent de Louisbourg, qui était vraiment la forteresse qui gardait l'entrée du Saint-Laurent. Et c'est surtout l'année suivante avec la prise de Québec, notamment par une bataille absolument extraordinaire, très très étrange, hein, cette bataille des plaines d'Abraham, où l'on voit s'affronter les Français de Montcalm d'un côté et de l'autre les Anglais de Wolfe. Bataille très courte, hein, qui dure une vingtaine de minutes, mais à l'issue de laquelle les deux généraux meurent. Enfin, du moins, Wolfe meurt immédiatement, Montcalm meurt de ses blessures quelques temps plus tard. Et cette bataille marque la chute de Québec, elle marque, on peut dire, la fin de la Nouvelle-France, car se double de cette bataille également des désastres concernant la marine. L'année 1759 a été une année horribilis pour la France. Il y a eu notamment les deux désastres de Lagos au mois de d'août et ensuite des Cardinaux au mois de novembre 1759 qui font que désormais la marine de guerre française est réduite presque à néant. Oui, voilà. Alors qu'en face, la marine anglaise n'a jamais été si puissante. Et voilà. Là, il y a un basculement complet. C'est le début du fameux empire britannique qui va régner jusqu'au début du XXe siècle sur le monde entier, Là, il y a un changement disons que la France, première puissance, devient objectivement la deuxième puissance derrière l'Angleterre à partir de ce moment-là, pour des raisons coloniales et de marine, essentiellement, pour des raisons politiques aussi. C'est très bien que vous ayez insisté, et vous le faites beaucoup dans votre ouvrage, sur les circonstances politiques. Il y en a eu des conséquences politiques de cette guerre de 7 ans. En France, bien entendu, nous faisions une émission sur Choiseul il y a quelques jours. Il est l'un des grands hommes de cette affaire. Et Choiseul qui prend la succession de Bernice à la fin de l'année 1758, et Choiseul qui gouverne d'une manière très très habile, car il a senti quelque chose, il a senti qu'il se passait quelque chose en France, cette vague de patriotisme qui commence à se développer au fur et à mesure que s'accumulent d'ailleurs les défaites, et un patriotisme que j'ai qualifié de nouveau patriotisme, car il met en exergue la figure du citoyen, c'est-à-dire donc du Français qui se dévoue spontanément pour défendre à la fois sa patrie ou pour défendre le ministère. Et Choiseul a très très bien compris cela. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un tournant de la culture politique française qui annonce, on pourrait dire, la culture politique révolutionnaire. Et bien sûr, d'autant plus que l'impopularité des personnes royales dont nous parlions tout à l'heure ne va faire qu'accroître. Mmh. On est déjà dans les prodromes de la Révolution française, d'une certaine manière. Hein. C'est elle qui est en train de s'annoncer avec tous les grands acteurs, d'ailleurs, qui seront ceux de la Révolution 25 ans plus tard. Ce qui est frappant également, ce sont ces poèmes patriotiques qui nous livrent une espèce de Marseillaise en pièces détachées où on trouve des sillons ensanglantés, des hauts armes citoyens. Il y a toute cette thématique qu'on retrouvera dans la poésie révolutionnaire. Et puis les colonies britanniques d'Amérique qui bientôt accéderont à une forme d'autonomie en attendant l'indépendance de 1776. C'est le monde moderne qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Le monde moderne, oui. Alors, il y a quelque chose quand même qui est très, très, très frappant et très, très singulier dans toute cette histoire. C'est qu'on trouve la même personne au début de l'histoire et à la fin. Je veux parler de George Washington. George Washington, on le trouve au mois de mai 1754, lors de du premier affrontement sérieux avec les Français. Et c'est son incompétence militaire. À l'époque, c'est un jeune lieutenant-colonel qui entraîne en quelque sorte cette guerre. Et on retrouve finalement, au bout du compte, le même personnage qui a retiré les divisions de son incompétence, puisqu'il devient le premier président des États-Unis d'Amérique. Et cette révolte des colonies d'Amérique qui est une conséquence de la guerre de 7 ans, bien entendu. Extraordinaire. Et puis alors, il faudrait beaucoup de temps pour évoquer les conséquences politiques en Angleterre, mais qui dit conséquences anglaises dit conséquences mondiales, d'une certaine manière, avec le rôle de Pitt dans cette affaire, William Pitt, soutenu par le duc de Bedford, bien sûr. Pitt a joué un rôle vraiment essentiel dans la transformation de la culture politique britannique également. C'est quelqu'un qui a compris une chose, c'est que il était vital en Angleterre à l'époque, eh bien, de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'expression extra-parlementaire. C'est-à-dire ces Anglais qui sont très politisés, qui s'intéressent vraiment aux affaires. Et Pitt l'a très très bien compris cela. Et il a agit avec beaucoup de maestria en utilisant bien entendu les gazettes, les pamphlets pour justifier sa politique. Et il a quitté les affaires puisqu'il démissionne en 1761 quand il voit qu'il n'a plus le soutien vraiment du roi. Donc lorsqu'il démissionne, chose absolument extraordinaire, eh bien il est bien plus populaire lorsqu'il démissionne qu'il l'était lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et ce ministère de Pitt, qu'on appelait le ministère du ministre patriote ou encore du ministre du peuple, annonce, la suite, c'est-à-dire, cette Angleterre qui va être de plus en plus préoccupée par les questions de réforme et notamment de réforme parlementaire. Merci beaucoup, Edmond Dziembowski. On aura compris que vous connaissez tout ça d'une façon magnifique et vous l'expliquez de façon lumineuse dans cet ouvrage « La guerre de 7 ans, 1756-1763 ». C'est publié chez Perrin dans la collection Pour l'Histoire, en coédition avec le ministère de la Défense. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et l'heure est venue de nous intéresser, Franck, à une citation historique, celle de Madame de Maintenon. « Trop d'esprit humilie ceux qui en ont peu ». Ah oui, c'est assez joli. C'est que Madame de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV. On sait que Louis XIV, après la mort de la reine Marie-Thérèse, va épouser secrètement, en tout cas devant l'Église et sans en faire part. Il va épouser Madame de Maintenon. C'était la première institutrice de France, comme on l'a appelée. C'était une pédagogue. Elle avait fondé la maison d'éducation de Saint-Cyr, etc. Et elle aimait bien donner des conseils, et des conseils de vertu, de morale aux jeunes filles, notamment aux jeunes filles de la noblesse pauvre. Et évidemment, lorsque arrive en France l'épouse du petit-fils aîné de Louis XIV, la jeune Marie-Adélaïde de Savoie, qui devient donc la duchesse de Bourgogne, c'est une enfant qui arrive à la cour. Et cette enfant, elle a besoin en quelque sorte d'une gouvernante, ou même, disons-le, d'une maman de substitution, ce que Françoise d'Aubigné, ce que Madame de Maintenon va se charger d'être pour elle, d'une certaine manière, avec toute l'ambiguïté qui fait que cette princesse, née princesse, future reine de France, pense-t-on, appelle Madame de Maintenon ma tante quand même. Alors, Madame de Maintenon va lui écrire des maximes pour essayer de lui apprendre comment se comporter à la cour, pour comment faire le moins d'erreurs possibles, etc. Et cette pédagogie est en quelque sorte un reflet de ce que pense au fond Madame de Maintenon. Je dirais que les maximes de Madame de Maintenon pour la duchesse de Bourgogne nous en apprennent plus finalement sur Maintenon elle-même que sur la duchesse de Bourgogne. Alors il y a ce fameux conseil, vous l'avez dit, soyez en garde, on a envie de dire mon enfant, soyez en garde contre le goût que vous avez pour l'esprit, trop d'esprit humilie ceux qui en ont peu. Eh oui, c'est vrai qu'à force de vouloir trop briller, on finit par se faire de solides inimitiés. Et Madame de Maintenon devait penser à Madame de Montespan en disant cela, car elle était bien placée pour savoir à quel point Montespan s'était sabordée toute seule à force d'être méchante. Madame de Maintenon, dans son recueil, donne d'autres conseils. N'épousez les passions de personne. C'est à vous de les modérer et non de les suivre. N'espérez pas faire revenir un mari par les plaintes, les chagrins et les reproches. Le seul moyen est la patience et la douceur. L'impatience aigrit et aliène les cœurs. La douceur les ramène. Il faut croire que Madame de Maintenon savait ce dont elle parlait. Elle qui avait réussi à rendre fidèle l'homme le plus infidèle de France, Louis XIV. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.